Conclusion. Nous sommes tous les héritiers de la guerre froide. Les dossiers présentés ici ne peuvent laisser indifférents, tant avec le recul, des opérations justifiées en leur temps par la lutte anticommuniste ont eu un impact dévastateur. L'Empire soviétique s'est effondré, prouvant d'une certaine façon que la CIA, quoique peu présente en URSS même, a atteint ses objectifs aux marges de l'Empire, notamment en Pologne et en Afghanistan, mais à un coût particulièrement élevé. Les crimes ou les fautes de la CIA sont divers, mais on peut les regrouper en trois catégories principales. La première est certainement celle des atteintes aux droits des personnes, qu'elles soient américaines ou étrangères, avec une gradation allant de l'atteinte à la vie privée, fichage, ouverture de courrier, etc., à l'assassinat pur et simple, en passant par la détention arbitraire, la torture, les expérimentations médicales, etc. Parce qu'elles sont en contradiction flagrante avec le modèle démocratique américain que l'agence est censée défendre, ces atteintes ont été les plus mal admises par le personnel de la CIA, ce qui explique qu'elles aient été révélées dans la presse malgré les mesures de cloisonnement. La deuxième catégorie concerne les nations étrangères, qui, toujours selon les principes démocratiques américains, ont le droit de choisir librement leur régime et leurs dirigeants. N'oublions pas que l'Amérique est née d'une révolte anticoloniale. Or, pendant 60 ans, la CIA est intervenue pour modifier le cours de l'histoire dans bien des nations. Dans de nombreux cas, elle a renversé des gouvernements démocratiquement élus pour les remplacer par des dictatures amies, mais dont les bilans font souvent frémir. Même si tous ces plans n'ont pas forcément abouti, la CIA a organisé de nombreux assassinats de dirigeants étrangers. Tout cela s'est accompli au nom de la lutte contre le communisme, alors que peu des régimes en question étaient réellement communistes. La troisième catégorie relève du principe de responsabilité, qui s'oppose à celui d'efficacité. Elle regroupe toutes les conséquences involontaires mais prévisibles d'actions clandestines. L'essor terroriste d'Al-Qaïda ou le développement de trafic de drogue en fournissent de bons exemples. On ne peut certes accuser la CIA d'avoir créé à elle seule ces maux contemporains. Ce serait tomber dans une vision conspirative de l'histoire, confortable mais stérile. En revanche, on peut reprocher à la CIA d'avoir mis tous les moyens disponibles au service d'une fin politique provisoire, sans suffisamment peser les conséquences possibles de ces moyens par rapport à leurs avantages immédiats. Bref, d'avoir joué à l'apprenti sorcier. Compte tenu de la somme d'intelligence en principe rassemblée dans l'agence, c'est très étonnant. Ce comportement a eu des conséquences très dommageables à tous les niveaux. La première victime de la paranoïa anticommuniste des États-Unis fut sans conteste le tiers-monde, et en particulier nombre de pays ayant eu le malheur de se choisir des leaders indépendantistes ou neutralistes, Lumumba, Mossadegh, Arbenz, Sukarno, Allende, qui n'ont pas compris qu'une politique d'équilibre entre les grandes puissances était accessible à une grande puissance européenne, mais pas à un pays du Sud ayant vécu la majeure partie de son histoire sous la domination du Nord. L'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie sont devenus les terrains d'affrontement entre les blocs pour plusieurs décennies. En conséquence, l'accession de ces nations à la démocratie a été reportée à plus tard. Sur le plan économique, les régimes autoritaires favorisés par les États-Unis se sont caractérisés par une hypertrophie des dépenses militaires, une corruption endémique et une croissance économique affaiblie. Sur le plan social, les populations ont souffert d'une pauvreté massive et d'accès aux soins insuffisants, tandis qu'une minorité favorisée par le pouvoir s'enrichissait toujours plus. La deuxième victime de cette guerre secrète a été la démocratie américaine elle-même. Les États-Unis se sont sali les mains, non pas de façon ponctuelle, mais continue, en recourant aux services d'anciens nazis qu'ils ont soustraits à la justice, en favorisant le trafic de drogue international, ce qui aboutit à augmenter la consommation de leurs propres enfants, en commanditant des expérimentations de drogue et de torture dans le but de trouver la clé du reconditionnement psychique de l'être humain. Si, en matière d'opérations clandestines, on peut parfois justifier l'assassinat dans des cas extrêmes, était-il légitime ou pas d'assassiner Hitler en 1933, si on le croyait capable de réaliser le programme présenté dans Mein Kampf? En revanche, rien ne justifie qu'un pouvoir politique répande une drogue mortelle dans sa population ou administre des électrochocs à des cobayes innocents. En ne se posant pas la question des limites ou en justifiant les moyens les plus inavouables par leur emploi dans le camp d'en face, les pères de la CIA, et en particulier Alan Dulles, ont déshonoré le renseignement américain et contribué à la réputation désastreuse des États-Unis dans le monde aujourd'hui, affaiblissant leur crédibilité sur le plan diplomatique. Ajoutons que les liens souvent incestueux entre les grandes multinationales et le pouvoir politique américain ont à leur tour contribué à dévoyer l'agence dans certains épisodes. Cette accumulation d'erreurs, de cynisme et d'arrogance, dans des proportions qui restent à déterminer, sape de façon dramatique l'image de la plus grande démocratie du monde, pourtant remarquable par bien d'autres aspects, et nourrit pour demain les populismes de tous bords. La troisième et dernière victime de cette histoire tragique est la CIA elle-même. On l'a dit, toutes les démocraties ont besoin du renseignement, et d'un renseignement efficace, pour prévenir les menaces de toutes sortes. Or, la CIA est aujourd'hui déconsidérée. Les premières grandes enquêtes parlementaires des années 1970 ont créé une suspicion inévitable. Après une période de moralisation sous Carter, l'agence a renoué avec ses vieilles habitudes, mais cette fois, les scandales ont éclaté rapidement. Formatée par la guerre froide, l'agence a été incapable de se remettre en ordre de bataille pour faire face aux nouveaux défis post-communistes, à vrai dire multiples et mal hiérarchisés. Elle est aujourd'hui affaiblie politiquement face au Pentagone et au département d'État, réduite à un état de servilité politique qui l'amène à enfreindre ses propres règles intellectuelles dans la production du renseignement, voire la question des armes de destruction massive, ou à renouer avec les pratiques de torture les plus noires de son histoire. Faut-il souhaiter la mort de la CIA? N'oublions pas que celle-ci, malgré ses mensonges et dissimulations, est tout de même soumise au contrôle parlementaire et à celui des médias. Ses responsables sont désormais conscients qu'aucun coup tordu ne peut rester éternellement secret. Or, d'autres agences telles que la Defense Intelligence Agency, DIA, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, ne sont pas dans le même cas. La DIA ne répond qu'au Pentagone. De plus, il est à craindre que si la CIA était supprimée, une partie de son travail serait sous-traitée à des sociétés militaires privées, comme c'est la tendance actuelle, et que leurs équipes de mercenaires seraient encore moins faciles à contrôler. On l'a vu sous la présidence Trump. Mieux vaut donc, en démocratie, un renseignement imparfait mais encadré par le politique, à des barbouzes livrés à eux-mêmes.